Julie, bonjour Paul. Paul, bonjour Julie. Julie, vous êtes libre cet après-midi? Paul, oui, à quelle heure? Julie, à 14h? Paul, d'accord. Où? Julie, dans la salle de réunion? Paul, parfait, à tout à l'heure.